Chapitre 42 des Essais de Montaigne, livre 1. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Sonia. Essai par Michel Ekem de Montaigne, livre 1. Chapitre 42 de l'inégalité qui est entre nous. Plutarque dit, en quelques lieux, qu'il ne trouve point si grande distance de bête à bête comme il trouve d'homme à homme. Il parle de la suffisance de l'âme et qualités internes. À la vérité, je trouve si loin d'Épaminondas comme je l'imagine, jusqu'à tel que je connais, je dis capable de sens commun, que j'enchérirais volontiers sur Plutarque et dirais qu'il y a plus de distance de tel à tel homme qu'il n'y a de tel homme à telle bête. Hem, vir viro quid praestat, et qu'il y a autant de degrés d'esprit qu'il y a d'ici au ciel de brasses, et autant innumérables. Mais à propos de l'estimation des hommes, c'est merveille que, sauf nous, aucune chose ne s'estime que par ses propres qualités. Nous louons un cheval de ce qu'il est vigoureux et adroit. Volucrem sic laudamus equum, facili cui plurima palma fervet, et exultat rauco victoria circo. Nom de son harnais. Un levrier de sa vitesse. Nom de son collier. Un oiseau de son aile. Nom de ses longes et sonnettes. Pourquoi de même n'estimons-nous un homme par ce qui est sien? Il a un grand train, un beau palais, tant de crédit, tant de rente. Tout cela est autour de lui, non en lui. Vous n'achetez pas un chat en poche. Si vous marchandez un cheval, vous lui ôtez ses bardes, vous le voyez nu et à découvert. Ou s'il est couvert, comme on les présentait anciennement aux princes à vendre, c'est par les parties moins nécessaires, afin que vous ne vous amusiez pas à la beauté de son poil ou largeur de sa croupe, et que vous vous arrêtiez principalement à considérer les jambes, les yeux et le pied, qui sont les membres les plus utiles. Regibus hic mos est, ubi equos mercantur, opertus inspiciunt, nisi facies ut saepe decora molli fulta pede est, emptorem inducat hiantem, quod pulcrae clunes, breve quod caput ardua cervix. Pourquoi, estimant un homme, l'estimez-vous tout enveloppé et empaqueté? Il ne nous fait montre que des parties qui ne sont aucunement siennes, et nous cache celles par lesquelles seul on peut vraiment juger de son estimation. C'est le prix de l'épée que vous cherchez, non de la gaine. Vous n'en donnerez à l'aventure pas un quatrain, si vous l'avez dépouillé. Il le faut juger par lui-même, non par ses atours. Et comme dit très plaisamment un ancien, « Savez-vous pourquoi vous l'estimez grand? Vous y comptez la hauteur de ses patins. La base n'est pas de la statue. » Mesurez-le sans ses échasses, qu'il mette à part ses richesses et honneurs, qu'il se présente en chemise. A-t-il le corps propre à ses fonctions, sain et allègre? Quelle âme a-t-il? Est-elle belle, capable et heureusement pourvue de toutes ses pièces? Est-elle riche du sien ou de l'autrui? La fortune n'y a-t-elle que voir? Si les yeux ouverts, elle attend les épées traites, s'il ne lui chaud, par où lui sorte la vie, par la bouche ou par le gosier? Si elle est rassise, eucable et contente, c'est ce qu'il faut voir, et juger par là les extrêmes différences qui sont entre nous. Est-il sapiens sibique imperiosus, quem neque pauperies, neque mors, neque vincula terent, responsare cupidinibus, contemnere honores fortis, et in se ipso totus teres atque rotundus, externi nequit valeat, per laive morari, in quem manca ruit semper fortuna. Un tel homme est 500 brasses au-dessus des royaumes et des duchés. Il est lui-même à soi son empire. Sapiens, Paul, ipse fingit fortunam sibi. Que lui reste-t-il à désirer? Non evidemus, nil aliut sibi naturam latrare, nisi ut quoi corpore seiunctus dolor absit, mente fruatur, iucundu sensu, cura se motu metuque. Comparez-lui la tourbe de nos hommes, stupides, basses, serviles, instables, et continuellement flottante en l'orage des passions diverses qui la poussent et repoussent pendant toute d'autrui. Il y a plus d'éloignement que du ciel à la terre, et toutefois l'aveuglement de notre usage est tel que nous en faisons peu ou point d'état. Là où, si nous considérons un paysan et un roi, un noble et un vilain, un magistrat et un homme privé, un riche et un pauvre, il se présente soudain à nos yeux une extrême disparité, qui ne sont différents, par manière de dire, qu'en leurs choses. En Thrace, le roi était distingué de son peuple d'une plaisante manière et bien renchéri. Il avait une religion à part, un dieu tout à lui, qu'il n'appartenait à ses sujets d'adorer. C'était Mercure, et lui, dédaignait les leurs, Mars, Bacchus, Diane. Ce ne sont pourtant que peintures qui ne font aucune dissemblance essentielle, car comme les joueurs de comédie, vous les voyez sur l'échafaud faire une mine de duc et d'empereur, mais tantôt après, les voilà devenus valets et crocheteurs misérables, qui est leur naïve et originelle condition. Aussi l'empereur, duquel la pompe vous éblouit en public, scilicet et grandes viridi cum luce smaragdi auro includuntur, territurque talassina vestis assidue, et veneris sudorem exercita potat. Voyez-le derrière le rideau, ce n'est rien qu'un homme commun, et, à l'aventure, plus vil que le moindre de ses sujets. Ille beatus introrsum est, istius bracteata felicitas est. La couardise, l'irrésolution, l'ambition, le dépit et l'envie l'agitent comme un autre. Non enim gazae, neque consularis, sumovet lictor miseros tumultus mentis, et curas laqueata circum tecta volantes. Et le soin et la crainte le tiennent à la gorge au milieu de ses armées. Re veraque metus hominum, curaeque sequaces, nec metuunt sonitus armorum, nec fera tela. Audacterque inter reges, rerumque potentes versantur, neque fulgorem reverentur ab auro. La fièvre, la migraine et la goutte l'épargnent-elles non plus que nous? Quand la vieillesse lui sera sur les épaules, les archers de sa garde l'en déchargeront-ils? Quand la frayeur de la mort le transira, se rassurera-t-il par l'assistance des gentilshommes de sa chambre? Quand il sera en jalousie et caprice, nos bonnetades le remettront-elles? Ce ciel de lit, tout enflé d'or et de perles, n'a aucune vertu à rapaiser les tranchées d'une verte colique. Nec calidae citius decedunt corpore febres, textilibus si in picturis ostroque rubenti iactaris quam si plebeia in veste cubandum est. Les flatteurs du grand Alexandre lui faisaient à croire qu'il était fils de Jupiter. Un jour, étant blessé, regardant écouler le sang de sa plaie, « Eh bien, qu'en dites-vous » dit-il. « Est-ce pas ici un sang vermeil et purement humain ? Il n'est pas de la trempe de celui qu'Homère fait écouler de la plaie des dieux. » Hermodorus, le poète, avait fait des vers en l'honneur d'Antigonus, où il l'appelait « fils du soleil », et lui, au contraire, « Celui, dit-il, qui vide ma chaise percée, sait bien qu'il n'en est rien. C'est un homme pour tout potage, et si de soi-même c'est un homme mal né, l'empire de l'univers ne le saurait rhabiller. Puelle hunc rapiant, quid calcaverit hic rosa fiat. Quoi pour cela si c'est une âme grossière et stupide? La volupté même et le bonheur ne se perçoivent point sans vigueur et sans esprit. Haec perinde sunt, ut ilius animus, qui ea possidet, qui uti scit, ei bona, ili, qui non utitur recte, mala. Les biens de la fortune, tout tels qu'ils sont, encore faut-il avoir le sentiment propre à les savourer. C'est le jouir, non le posséder, qui nous rend heureux. Non domus et fundus, non aeris acervus et auri, aegroto domini deduxit corpore febres, non animo curas, valeat possesso opportet, qui comportatis rebus bene cogitat uti, qui cupit, aut metuit, iuva illum sic domus, aut res, ut lipum pictae tabulae, fomenta podagram. Il est un sot, sans goût et mousse et débété, Il n'en jouit non plus qu'un mot fondu de la douceur du vin grec ou qu'un cheval de la richesse du harnois duquel on l'a paré. Tout ainsi, comme Platon dit, que la santé, la beauté, la force, les richesses et tout ce qui s'appelle bien est également mal à l'injuste comme bien au juste et le mal au rebours. Et puis, où le corps et l'âme sont en mauvais état, à quoi faire ces commodités externes? Vu que la moindre piqûre d'épingle et passion de l'âme est suffisante à nous ôter le plaisir de la monarchie du monde. À la première strette que lui donne la goutte, il a beau être sire et majesté. Totus et argento conflatus, totus et auro. Perd-il pas le souvenir de ses palais et de ses grandeurs? S'il est en colère, sa principauté le garde-t-elle de rougir, de pâlir, de grincer les dents comme un fol? Or, si c'est un habile homme et bien né, la royauté ajoute peu à son bonheur. Si ventri bene, si lateri est, pedibusque tuis, nil divitiae poterunt regales adere maius. Il voit que ce n'est que bif et piperie. Oui, à l'aventure, il sera de l'avis du roi Séleucus. Que qui saurait le poids d'un sceptre ne daignerait l'amasser quand il le trouverait à terre. Il le disait pour les grandes et pénibles charges qui touchent un bon roi. Certes, ce n'est pas peu de chose que d'avoir à régler autrui, puisqu'à régler nous-mêmes, il se présente tant de difficultés. Quant au commander, qui semble être si doux, considérant l'imbécilité du jugement humain et la difficulté du choix, est-ce chose nouvelle et douteuse, je suis fort de cet avis qu'il est bien plus aisé et plus plaisant de suivre que de guider, et que c'est un grand séjour d'esprit de n'avoir à tenir qu'une voie tracée et à répondre que de soi. Ut satius multo iam sit parere quietum, quam regere imperio res velle. Joint que Cyrus disait qu'il n'appartenait de commander un homme qui ne vaille mieux que ceux à qui il commande. Mais le roi Iran, en Xénophon, dit davantage. Qu'en la jouissance des voluptés même, ils sont de pires conditions que les privés, d'autant que l'aisance et la facilité leur ôte l'aigre douce pointe que nous y trouvons. Pinguis amor, nimiumque potens, in taedia nobis vertitur, et stomaco dulcis ut esca nocet. Pensons-nous que les enfants de cœur prennent grand plaisir à la musique? La satiété la leur rend plutôt ennuyeuse. Les festins, les danses, les mascarades, les tournois réjouissent ceux qui ne les voient pas souvent et qui ont désiré de les voir. Mais à qui en fait ordinaire, le goût en devient fade et malplaisant. Ni les dames ne chatouillent celui qui en jouit à cœur saoul, qui ne se donne loisir d'avoir soif, ne saurait prendre plaisir à boire. Les farces des battleurs nous réjouissent, mais aux joueurs, elles servent de corvée. Et qu'il soit ainsi, ce sont délices aux princes, c'est leur fête de se pouvoir quelquefois travestir et d'émettre à la façon de vivre basse et populaire. Plerumque gratae principibus vices, mundaeque parvo supplare pauperum, quenae sine aulaeis et ostro solicitam explicuere frontem. Il n'est rien si empêchant, si dégoûté que l'abondance. Quel appétit ne se rebuterait à voir 300 femmes à sa merci, comme les a le grand seigneur en son sérail? Et quel appétit et visage de chasse s'était réservé celui de ses ancêtres qui n'allait jamais au champ à moins de 7000 fauconniers? Et outre cela, je crois que ce lustre de grandeur apporte non légère incommodité à la jouissance des plaisirs plus doux. Ils sont trop éclairés et trop en but. Et je ne sais comment on requiert plus d'eux de cacher et couvrir leurs fautes, car ce qui est à nous indiscrétion, à eux le peuple juge que ce soit tyrannie, mépris et dédain des lois. Et outre l'inclination au vice, il semble qu'ils ajoutent encore le plaisir de gourmander et soumettre à leurs pieds les observances publiques. De vrai, Platon, en son Gorgias, définit tyran celui qui a licence en une cité de faire tout ce qui lui plaît. Et souvent, à cette cause, la montre et publication de leurs vices blessent plus que le vice même. Chacun craint à être épié et contrôlé. Ils le sont jusqu'à leur contenance et à leur pensée. Tout le peuple estimant avoir droit et intérêt d'en juger, outre ce que les tâches s'agrandissent selon l'éminence et clarté du lieu où elles sont assises, et qu'un sein et une verrue au front paraissent plus que ne fait ailleurs une balafre. Voilà pourquoi les poètes feignent les amours de Jupiter conduites sous autre visage que le sien, et de tant de pratiques amoureuses qu'ils lui attribuent, il n'en est qu'une seule, ce me semble, où il se trouve en sa grandeur et majesté. Mais revenons à Iran. Il récite aussi combien il sent d'incommodité en sa royauté pour ne pouvoir aller et voyager en liberté, étant comme prisonnier dans les limites de son pays, et qu'en toutes ses actions, il se trouve enveloppé d'une fâcheuse presse. De vrai, avoir les nôtres tout seuls à table, assiégés de tant de parleurs et regardant inconnus, j'en ai eu souvent plus de pitié que d'envie. Le roi Alphonse disait que les ânes étaient en cela de meilleures conditions que les rois. Leurs maîtres les laissent paître à leur aise, là où les rois ne peuvent pas obtenir cela de leurs serviteurs. Et ne m'est jamais tombé en fantaisie ce que fut quelque notable commodité à la vie d'un homme d'entendement d'avoir une vingtaine de contrôleurs à sa chaise percée, ni que les services d'un homme qui a 10 000 livres de rente ou qui a pris Casal ou défendu Sienne lui soient plus commodes et acceptables que d'un bon valet et bien expérimenté. Les avantages principesques sont quasi avantages imaginaires. Chaque degré de fortune a quelque image de principauté. César appelle Roitelet tous les seigneurs ayant justice en France de son temps. De vrai, sauf le nom de Sire, on va bien avant avec nos rois. Et voyez, aux provinces éloignées de la cour, nommant Bretagne pour exemple, le train, les sujets, les officiers, les occupations, le service et cérémonie d'un seigneur retiré et casanier, nourri entre ses valets, et voyez aussi le vol de son imagination. Il n'est rien plus royal. Il voit parler de son maître une fois l'an, comme du roi de Perse, et ne le reconnaît que par quelque vieux cousinage que son secrétaire tient en registre. À la vérité, nos lois sont libres assez, et le poids de la souveraineté ne touche un gentilhomme français à peine 2 fois en sa vie. La subjection essentielle et effectuelle ne regarde, d'entre nous, que ceux qui s'y convient, et qui aiment à s'honorer et enrichir par tel service, car qui se veut tapir en son foyer et sait conduire sa maison sans querelle et sans procès, il est aussi libre que le duc de Venise. Pauco servitus, plures servitutem tenent. Mais surtout, Iran fait cas de quoi il se voit privé de toute amitié et société mutuelle, en laquelle consiste le plus parfait et doux fruit de la vie humaine. Car quel témoignage d'affection et de bonne volonté puis-je tirer de celui qui me doit, veuille-t-il ou non, tout ce qu'il peut? Puis-je faire état de son humble parler et courtoise révérence, vu qu'il n'est pas en lui de me la refuser? L'honneur que nous recevons de ceux qui nous craignent, ce n'est pas honneur. Ces respects se doivent à la royauté, non à moi. Maximum hoc regni bonum est, quod facta domini cogitur populus sui, quam ferre tam laudare. Vois-je pas que le méchant, le bon roi, celui qu'on est, celui qu'on aime, autant en a l'un que l'autre. De mêmes apparences, de mêmes cérémonies était servi mon prédécesseur, et le sera mon successeur. Si mes sujets ne m'enfoncent pas, ce n'est témoignage d'aucune bonne affection. Pourquoi le prendrais-je en cette part-là, puisqu'il ne pourrait quand il voudrait? Nul ne me suit pour l'amitié qui soit entre lui et moi, car il ne s'y saurait coudre amitié où il y a si peu de relations et de correspondances. Ma hauteur m'a mis hors du commerce des hommes. Il y a trop de disparités et de disproportions. Ils me suivent par contenance et par coutume, ou plutôt que moi, ma fortune, pour en accroître la leur. Tout ce qu'ils me disent et font, ce n'est que phare, leur liberté étant bridée de toutes parts par la grande puissance que j'ai sur eux. Je ne vois rien autour de moi que couvert et masqué. Ces courtisans louaient un jour Julien l'empereur de faire bonne justice. « Je m'enorgueillerais volontiers, dit-il, de ces louanges, si elles venaient de personnes qui osassent accuser ou m'élouer mes actions contraires, quand elles y seraient. Toutes les vraies commodités qu'ont les princes leur sont communes avec les hommes de moyenne fortune, cette affaire odieuse de monter des chevaux ailés et de paître d'ambroisie. Ils n'ont point d'autre sommeil et d'autre appétit que le nôtre. Leur acier n'est pas de meilleure trempe que celui de quoi nous nous armons. Leur couronne ne les couvre ni du soleil ni de la pluie. Dioclétien, qui en portait une si révérée et si fortunée, la résigna pour se retirer au plaisir d'une vie privée. Et quelque temps après, la nécessité des affaires publiques requérant qu'il revînt en prendre la charge, il répondit à ceux qui l'en priaient. « Vous n'entreprendriez pas de me persuader cela si vous aviez vu le bel ordre des arbres que j'ai moi-même plantés chez moi et les beaux melons que j'y ai semés. » À la vie d'Anacharsis, le plus heureux état d'une police serait où, toute autre chose étant égale, la précédence se mesurerait à la vertu et le rebut au vice. Quand le roi Pyrrhus entreprenait de passer en Italie, Cinéas, son sage conseiller, lui voulant faire sentir la vanité de son ambition. « Eh bien, sire, lui demanda-t-il, à quelle fin dressez-vous cette grande entreprise ?»« Pour me faire maître de l'Italie, » répondit-il soudain. « Et puis, suivit Cinéas, cela fait, je passerai, dit l'autre, en Gaule et en Espagne. Et après, je m'en irai subjuguer l'Afrique. Et enfin, quand j'aurai mis le monde en ma subjection, je me reposerai et vivrai content et à mon aise. « Pour Dieu, sire, rechargea alors Cinéas, dites-moi à quoi il tient que vous ne soyez dès à présent, si vous voulez, en cet état. Pourquoi ne vous logez-vous dès 7 heures où vous dites aspirer, et vous épargnez tant de travail et de hasard que vous jetez entre deux ?»« Nimirum quia non bene norat, quae esset habendi finis, et omnino quod crescat vera voluptas. » Je m'en vais clore ce pas par un verset ancien que je trouve singulièrement beau à ce propos. Mores quique sui fingunt fortunam. Fin du chapitre 42.